Bienvenue à Web Musique, c'est la nouvelle saison qui débute à CKRL, la saison été. Donc, heureusement, Web Musique ne change pas d'heure. Ça, à toutes les saisons d'habitude, l'émission change tout le temps. Puis cet été, ben ça change pas. Donc, pas besoin de se réhabituer. Votre musique favorite du dimanche est toujours à la même heure. Donc, ben, c'est quoi Web Music? Ben, moi, je vous propose de la musique que je trouve en Creative Commons sur Internet. Des fois, c'est dans le domaine public. Donc, c'est toutes des pièces que vous pouvez télécharger. Je vous fais une petite sélection. Ça vient de partout dans le monde, des artistes que je vous garantis que vous n'avez jamais entendu avant. Donc, ça va être plein de découvertes au rendez-vous. Cette semaine, on débute avec un artiste de la Suède du nom de Xlan. C'est sur Trog Records, un netlabel qui vient des Pays-Bas, si je m'abuse. Puis, je vous fais passer la pièce Galaxy Overload in the Circle of Eight. Vous allez voir, c'est une pièce qui dure 9 minutes. Je vous invite à mettre le son dans le fond, c'est vraiment bon. Donc, on débute tout de suite avec Xlan. Thank you. Une pièce très planante à l'émission Web Musique. Il s'agissait de la pièce Galaxy Overload in the Circle of Eight. C'est par le duo suédois X-Lan. C'était publié sur Trorg, donc un netlabel qui vient des Pays-Bas. Un netlabel qui a été repris par WM Recordings, donc qui ont repris leur catalogue. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de bons trucs sur Trorg Records. On va poursuivre Web Music avec une autre pièce quand même assez longue, un peu de drum and bass, vraiment intéressant. C'est par un Sibérien de la ville de Tirumen, donc qui s'appelle Trin. Je vous fais passer sa pièce Son, vous allez voir, c'est excellent. Ça a été publié sur le netlabel NLP Records, donc un netlabel qui vient de la Sibérie. On écoute ça tout de suite. Ça fait toujours du bien un peu de drum and bass avec de la bass aussi sale que ça. Donc, c'était la pièce Sun par le Sibérien Trin. Donc, c'était publié sur NLP Records, un excellent net label qui a beaucoup de bons drum and bass. Donc, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. On va poursuivre avec un artiste du nom de Sanich qui vient de la République tchèque. C'est publié sur Fundamental Network, donc un réseau qui est au Bélarus. Ils ont des trucs vraiment intéressants. Donc, c'est ça, on écoute Sanich avec sa pièce C50. Vous allez voir, faut mettre ça très fort parce que c'est une tune assez mollo, mais qui est vraiment prenante donc à écouter avec des écouteurs. On écoute tout de suite Sanich avec sa pièce C50. To go on indefinitely, demonstrating that overtones give their individual character to most musical sounds. But let's move on to another important physical characteristic, that of a tone, a technical term that includes the growth of a tone to its full intensity, the duration of its life, and its decay. Thank you. de la République tchèque, c'était Sanich avec sa pièce C50. Donc, c'était publié sur le netlabel Fundamental Network. Donc, ça nous vient du Bélarus. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, ben, c'est assez simple. Vous vous rendez au www.webmusique.org. Vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces que vous entendez à l'émission. C'est gratuit, c'est légal, c'est même encouragé. On va faire une petite courte pause et Web Music vous revient tout de suite après. C'est toujours Simon Roy qui est entre votre compagnie, donc pour l'émission Web Music. On va poursuivre. Cette fois-ci, on va délaisser un peu le côté électronique pur. On va écouter des trucs un peu plus rock, même post-rock. On va débuter avec un artiste, plutôt un groupe qui est composé de 6 membres qui viennent du Portugal. Ça s'appelle Duas Semicol Queas Invertidas. Je vous fais passer la pièce Vacation en Biafra. Puis ensuite de ça, de la Hongrie, je vous fais passer Rise of Day. C'est un artiste qui fait tout lui-même, guitare, drum, bass. Donc, plus un musicien de salon, si on veut. Il est aussi, quand il part en tournée, ben, il s'entoure de d'autres personnes, mais ses albums sont tout enregistrés. C'est tout lui qui fait ça. Donc, c'est Rise of Day. Je vais vous faire entendre sa pièce « To Regain of the Wasted Time ». Donc, c'est ça, Rise of Day, qui vient de la Hongrie. On débute tout de suite avec les Portugais « Duas Semicol Queas Invertidas ». We'll be right back. C'était Rise of Day, donc un artiste hongrois qui joue de tous les instruments que vous avez entendus, donc guitare, basse, drum, piano. C'est tout fait en studio, c'est assez impressionnant. Donc c'était sa pièce To Regain of the Wasted Time. C'était publié sur Acoustic Firework Records, un label qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, ben, on avait écouté un groupe du Portugal, donc un groupe composé de 6 membres, c'est une belle grosse gang, donc qui s'appelle Duas Semicol Queas Invertidas. C'était la pièce Vacation en Biafra. Donc ça, c'était publié sur NF Records, un netlabel qui vient du Portugal. Netlabel assez important, qui ont un peu plus de 246 albums à leur actif, donc ils ont vraiment beaucoup de matériel. Tout ça, ben, c'est disponible à télécharger gratuitement. On poursuit Web Music avec un artiste du Royaume-Uni du nom de Johnny Poindexter. Je vous fais passer sa pièce In Every Language There Is or Ever Was. C'est publié sur Lost Children. Ensuite de ça, sur Planet Terror Records, je vous fais passer un artiste de la Belgique du nom de King Stux. Vous allez voir, c'est sa pièce It's Burning, c'est vraiment bon. Donc, ben, pour tout de suite, on écoute Johnny Poindexter. I'm sure as well as Trump in like a year's de la Belgique. C'était Kingstox avec sa pièce It's Burning. Donc, Kingstox qui nous vient de la Belgique. Ça, c'était publié sur Planet Terror Records, un net label qui nous vient de la ville de Sheffield au Royaume-Uni. Puis avant ça, c'était Johnny Poindexter avec sa pièce In Every Language There Is or Ever Was. Donc, ça, c'était sur Lost Children. Ben, ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite à venir faire un tour sur le site de l'émission pour télécharger les pièces que vous avez entendues ce soir. Donc, rendez-vous au www.webmusique.org. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. L'émission est également disponible en balado-diffusion pour ceux qui manquent des petits bouts. Donc, vous pouvez écouter l'émission quand bon vous semble. Je vais vous laisser sur une dernière pièce par The Mordekaiser. C'est un groupe, donc je crois qu'ils viennent de l'Irlande, il faudrait que je vérifie. Donc un groupe qui a autoproduit son album. Je vous fais entendre la pièce Aberdulous E Full Anten. Donc vous allez voir un mélange de musique folklorique. Ça va finir l'émission en beauté. Donc on écoute ça tout de suite, The Mordekaiser. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique. Puis je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de CKRL. Votre station s'est mise à l'heure du web. CKRL.qc.ca. Mettez à jour vos signets et allez nous faire une visite virtuelle. Tous les matins de 6h à 7h, réveillez-vous en français au 89.1. En français d'abord, c'est un voyage au cœur de la musique francophone. Se lever du bon pied, c'est un fait français à CKRL. Restez couché. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.